notre page de tournée. Oh, oh. Oh, oh, oh. Dommage pour cette journée. Oh, oh. Oh, oh, oh. Fonds ta glace, ou bien change de place. Fonds ta glace, c'est moi qui est tombé en pleine face. Mais il faut que je fasse. Je ne t'entends plus. Où es-tu?